إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Donc nous allons voir ensemble, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, après avoir terminé donc les bienfaits des savants ainsi que les bienfaits de la science, quelques points sur donc l'obligation vis-à-vis des savants. L'obligation des vis-à-vis des savants. Donc vous savez ou vous ne savez pas que actuellement il y a donc ce qu'on appelle une hamla. Donc il y a en réalité donc des gens qui travaillent jour et nuit pour éloigner la communauté des savants. Et ces gens-là sont entrés donc dans la scène de la science soi-disant au nom de l'islam et au nom de la science. Donc ils ce sont des acteurs qui se prennent pour des savants. Mais en réalité, ce ne sont pas des savants. Ou ce sont des mauvais savants. Et ces personnes se sont unies. Et leur union, donc, qui existe maintenant depuis près de 20 ans, s'appelle donc Al-Ittihad al-Muslimin. Donc l'union des musulmans. L'union des musulmans. Et là, je ne parle pas par rapport à Takarrub bayna al-Adyan. Je ne parle pas le fait de parler des rassemblements des religions, mais je parle des rassemblements des sectes. Des rassemblements des sectes. Dont le chef ou le premier est un grand frère musulman, le deuxième, le second est un grand shia, donc c'est un rafidi, et le troisième c'est un ibadi. Ils sont trois, ils sont beaucoup plus, mais voici les trois. Les personnes principales, donc les personnes plutôt principales, et tous ce sont des muftis. Donc le frère musulman qui s'appelle Al-Tardawi, il est mufti où au Qatar. Al-Dibadi, c'est le mufti donc de Oman, et ce Rafidi, c'est le mufti du Moussa d'Iran. Donc ils se sont réunis il y a 20 ans. Ils ont décidé qu'au bout de 30 ans, ils termineront. Ils feront donc tout pour que les savants donc, soient détestés. Ou que plutôt que les gens ne reviennent pas aux savants, mais reviennent à eux. Et après, ils ont réussi. Ils ont réussi donc d'une certaine façon. Car on voit bien le nom de Qardawi maintenant mentionné de façon plus explicite, même en Arabie Saoudite. Alors ça n'était pas il n'y a pas longtemps. Et lorsque ces gens parlent de ceux qui sont contre eux, parlent de ceux qui ont fait des fétois, ou de ceux qui ont propagé la religion de la façon normale, comme Cheikh Ibn Baz, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, ils les appellent ceux-là, haoula, ou naasoun, des gens, afin que les gens les oublient. Ils ne disent pas Cheikh Ibn Baz a dit, ils ne disent pas Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, ils ne disent pas Cheikh Al-Bani a dit, mais ils disent celui des gens ont dit. Afin que les noms soient oubliés. Et ils sont aidés pour cela par des chaînes de télévision. Et la chaîne la plus importante, c'est Al Jazeera. Al Jazeera qui est en réalité qu'un namasi de Batini. Al Batiniya qui sont en réalité des gens qui entrent dans l'islam pour détruire l'islam. Comme donc l'Ismaïliya, comme les Durus, comme Nusaybi, et aussi Rawafi, tout cela. Donc lorsqu'on voit tous ces gens-là qui ont pris ces chaînes de télévision, voyez un peu tous ceux qui écoutent ces télévisions, à quoi ils ressemblent maintenant. ils ne ressemblent à plus rien. Ils les ont éloignés des gens de la sunna du consensus, ils n'ont amené à parler dans les domaines que de Al-Mufakkirun ou de n'importe qui. Des gens qui parlent en nom de l'islam. Des gens qui parlent au nom de la Salafia, des gens qui parlent au nom de Al-Sunna wal-Jama'a, des gens qui parlent au nom de l'islam, et on ne voit jamais les savants connus. Et on ne voit jamais chez eux les savants connus, et ça c'est afin de quoi, de détruire et en vérité de faire disparaître donc la Salafia. Et de, surtout de faire disparaître les gens, des gens de l'Al-Sunna du consensus. On va dire qu'ils sont trop durs, on va dire qu'ils ne sont pas de l'époque, on va dire et on va dire. Ils ont décidé, en plus ils ont dit on a besoin de 30 ans pour cela. Même si chez eux il y avait un khélef, Al-Qardawi il a demandé plus que ça. Il est sûrement plus intelligent que eux, il a demandé plus que ça. Mais ils ont oublié que c'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va l'éteindre. Et malheureusement, il y a, donc dans une échelle qui est en vérité moindre que cela, donc sous une échelle qui est moindre que cela, des gens qui entrent au nom de la salafia et qui veulent en vérité éloigner des gens des savants de la salafia. Et ils vont t'amener ou à des savants qui, donc, sont tekfiriyin ou autres. C'est-à-dire des gens qui ont des choubouettes dans le tekfir ou dans la tarwa. Et en vérité, donc, ils veulent en vérité tout mélanger. Ils viennent, eux, au nom de la sunna. Mais là, c'est plus général. Ils viennent au nom de l'islam et eux, ceux-là, viennent au nom de la sunna. Et c'est eux qui nous intéressent. C'est ici, donc, ce genre de gens qui nous intéressent et qui veulent faire croire qu'il y a des gentils, il y a des méchants. Les gentils sont ceux qui disent que tout le monde est bien. Et que celui qui parle sur tel chiffre n'est pas bien. Et les méchants sont ceux que dès qu'on voit une erreur chez des savants, ou des erreurs, ou des erreurs graves des fois dans le manhaj, il faut se taire. Toi tu te tais, mais moi je parle. Eux ont droit de critiquer tes savants, mais toi tu dois te taire. Eux ont droit d'appeler à leur manhaj, mais toi tu n'as pas le droit. Donc ils veulent en vérité enchaîner les gens. Et ils utilisent le ulama, tous comme ils sont, que ce soit chez une bête, que ce soit chez un antémi, que ce soit Cheikh Al-Albani, que ce soit surtout eux, car ils sont morts, de leur vivant ils ne faisaient pas ça, car un vivant répond, un mort ne répond pas, il les utilise, et il veut dire il a dit cela, ou il a voulu dire cela, en utilisant réellement quoi? Réellement ils utilisent que des paroles qui sont générales. Je me rapproche encore. C'est pas plus fort. Je parle pas assez fort. Donc en utilisant, comme ça, en utilisant donc des paroles qui sont générales, qui prennent des fois donc des paroles qui ont à voir, des paroles qui ont à voir en réalité avec, par exemple, riba wa namima, et ces gens-là donc, vont utiliser ces paroles comme si en vérité c'était par rapport au tahdir, que c'était en réalité par rapport à la protection de la religion. Ils mélangent tout. Ils veulent pas croire que ces gens-là donc, ont le mauvais doute sur la communauté, que les gens-là divisent la communauté et autres. Ils utilisent, et dès qu'ils trouvent une parole de Cheikh vivant, bien sûr, comme Cheikh Fawzan par exemple, qui vont les intéresser, alors que Cheikh Fawzan veut mentionner par exemple Riba wa Namima, ou bien lorsqu'il parle en vérité de le fait de revenir sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi à l'heure actuelle, donc, il n'y a plus besoin de revenir sur les hassanites, car ils ont été faits par les savants. Si on va les utiliser, en faisant croire qu'il faut arrêter, il ne faut pas parler de Jafat Adil, mais dans le sens où il ne faut pas faire de tahdir. Il y a une différence entre cela et cela. Le tahdir contre le faux sera donc, il sera, inch'Allah, jusqu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'Allah aura décidé de nous prendre. Et là, on verra la réponse de Cheikh Fawzan lui-même, afin de montrer aussi aux gens de ne pas prendre des fêtes générales et de les utiliser pour faire disparaître l'islam. Tu ne vas pas venir faire disparaître cette grande forêt qui existe depuis longtemps, ce fessillant qui existe depuis 14 siècles, avec juste une parole ambiguë ou une parole générale d'un savant et tu vas en faire une religion. Vois un peu ce que dit Cheikh Fawzan, Hamdallah Azza wa Jal. Donc ce sont les questions et les réponses. السؤال الأول هل يجوز للعلماء أن يبينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق؟ Est-ce qu'il est permis aux savants de montrer clairement aux jeunes et à ceux qui ne connaissent pas la religion ou comme à des musulmans والعامة donc le danger du sectarisme, hein, et de la division. Al-Jawab, na'am, oui. Al-Jawab, na'am. يجب بيان خطر الانقسام والتفرد ليكون الناس على بصيرة لأن الأوان ينخدعون. Oui, il est obligatoire de montrer le danger de cette répartition, de cette division, afin que les gens soient sur la clairvoyance, connaissent ces sept actions à la bassira. Car l'awam, donc les gens qui n'ont pas forcément de la science, vont être trompés. Ils vont être trompés. Et vous entendez aussi ces gens-là dire, taisez-vous, car l'awam, vous les perdez avec ces vos histoires. Ils utilisent cela. Et parmi les moyens qu'ils disent, si on parle awam, on va les perdre, massacrer. Il y avait des awam qui ont choisi d'être tédir, il y avait des awam qui ont choisi d'être tekfiri, il y avait des awam qui ont choisi d'être soufi. Là, pourquoi ils ont choisi? C'est qu'ils ont quand même suffisamment de réflexion pour choisir. Et depuis quand l'ami, il est parmi nous? L'ami, c'est pas celui qui est musulman, c'est pas celui qui dort, et c'est pas celui qui est enfant. Il est compté dans ce qu'il fait. Alors, l'ami, ça veut dire que quoi? Et quoi, devant l'Arsangel, il est protégé. Il ne va rien lui arriver parce qu'il est ami, là. Il y a ici une division, il doit savoir où est la vérité. Alors, si l'ami, il n'est pas jugé, Mibel Aoula, El Kafir, le juif et le chrétien, si l'ami n'est pas jugé, alors que Dieu doit être de celui qui est encore plus loin. Vous voyez que ce n'est pas possible. El Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas qu'il a dit que cette communauté va se diviser en 73 sectes, toutes en enfer sans une. On va dire, oh, envoyez Allah, c'est quoi? Tu utilises les gens parce que tu parles de ce hadith. Là, c'est l'Ennabi seul qui explique que les gens en vérité se divisent. Donc si toi tu ne veux pas qu'on parle de la division, reste chez toi. Mais n'interdis pas. Si tu interdis, tu interdis Bidalil. Sinon tu n'interdis pas. Lorsque les gens montrent, ceux qui montrent avec la preuve, Alhamdulillah, ils montrent avec preuve. Donc ils ont le droit de le montrer. Mais toi, tu n'as pas le droit d'interdire ceux qui montrent avec preuve. C'est toi qui dois montrer les preuves que c'est interdit. Sinon, tu te tais. Sinon, en réalité, tu n'as pas à parler. Et tu n'as pas à diviser justement les gens qui vont venir montrer les gens, ou donc les autres, le chemin en réalité du bon et du mauvais. Par cas, min al-awam, al-an, min khada'u ma'abad al-jama'at, yadhunnuna annaha ala al-haq. Donc, chérie, continue. Yahfadullah azza wa jalla alayhi, lahu. Combien, donc, de awam, de personnes qui n'ont pas spécialement de la science, ont été trompées par ces quelques groupes, et ces gens-là pensent que ces groupes-là sont bien. Ils pensent que ces groupes-là sont en toute vérité. Car il est obligatoire de montrer aux gens, hein, en vérité, de montrer aux gens que les gens connaissent la religion, qui sont muta'allimin, qui ont certaines sciences. Et même al-awam, n'est-ce pas parce que quelqu'un est docteur qu'il connaît. On sait que c'est des sujets dont beaucoup de gens détestent. Comme ça. Parce qu'ils s'imaginent qu'ils rentrent dans le ribawan narima, alors ils ne s'appellent pas, même si en vérité ils sont érudits dans telle matière ou telle matière. Et les savants, s'ils se taisaient, et bien les gens en vérité diraient, ah, qu'est-ce qu'ils veulent. Et si les savants se taisaient, donc, qu'est-ce qui entre dans la religion? Automatiquement l'égarement. Donc c'est un chapitre où il est obligatoire. Il faut nécessairement donc montrer en vérité cela. فعندما تحدث أو تحدث مثل هذه الأشياء لابد من البيان للناس ليكونوا على بصيرة من أمرهم. Donc lorsque ces choses-là viennent, surviennent, il faut que les gens en parlent, afin que les gens en vérité connaissent. Il faut en parler, afin que les gens connaissent justement ces choses-là. Et le danger, وخطر على العوام أكثر منه على المتعلمين. Et le danger de ces sectes et de ce mal sur les awam, il va être encore plus fort que le danger que si en réalité c'était quelqu'un qui était muta'allim qui serait touché. Car lui, en comprenant les choses, il peut peut-être revenir plus facilement. Car l'ami n'a pas la capacité de savoir exactement avec précision où est la vérité. Donc lui, il suit, il va penser que ceci et cela est en vérité, donc faux. Et sachez que cette question elle est bienvenue. Dans le sens où nous, justement, il y a des gens qui utilisent cela. Il ne faut pas parler d'ami, on le perd. Mais ça qui, il ne faut rien dire. On n'a pas dit qu'il ne faut rien dire. On dit, une maladie lorsqu'elle vient, on donne les médicaments qu'il faut. On va donner les gouttes. précise. 5 gouttes, 5 gouttes, 2 gouttes, 2 gouttes, 37 gouttes, 37 gouttes, 2000 gouttes, 2000 gouttes. Il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'endroit où, dans le sens où il n'y a pas de, d'heure précise. Ça ne demande pas, ça peut très, on peut tout expliquer les gens ça en 2 heures, comme des fois il va falloir 6 mois pour l'expliquer. C'est selon en vérité l'entrée ou bien l'influence de cette, de ce mal sur les gens. Et si ce mal n'est pas venu, en ce moment-là, il n'y a pas besoin d'en parler. Il y a une haja, selon le besoin. On ne va pas venir mentionner tout ce que font certaines personnes là-bas au Népal ou en Inde, alors que ici, les gens ne sont pas touchés. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de sortir des noms et des trucs et des histoires, alors qu'on ne va pas se terminer si les gens ici ne sont pas touchés. Souhel, hal hunaka farqun bayna ghibati ad-du'at wal ulama wa ghibati al-muslimin. أرجو التوضيح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا ورعاكم. Est-ce qu'il y a ici une différence entre la médisance sur les prêcheurs et les savants ou la médisance donc des, et la médisance des musulmans en commun? On demande donc de votre part donc une explication claire dans ce sujet, qu'Allah vous récompense. الجواب la réponse الغيبة محرمة على وجه المعلوم على وجه العموم لقوله سبحانه ولا يقتل بعضكم بعضا. Donc الغيبة est interdite de façon générale car Allah subhanahu wa ta'ala dit que personne ne maudit ce que les uns d'entre vous ne maudissent pas pour les autres, que les uns d'entre vous ne maudissent pas pour les autres. وهي كبيرة من كبائر الذنوب. C'est un grand péché parmi les grands péchés. Donc c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et les gens, lorsqu'ils parlent de riba, ce qu'ils disent, ils disent que c'est la cerise sur le gâteau. Hein? C'est en vérité, donc, bien spaké, hein? Fakih à tous, hein? C'est le gâteau parmi les altis. C'est devenu en vérité une habitude chez beaucoup de gens. Et spécialement, bien sûr, chez les femmes. C'est devenu en vérité une grande habitude. Généralement, quand les gens sortent d'une abri, ils ont appris des mauvaises choses sur quelqu'un. C'est devenu une habitude. Et sachez que vraiment, on dit que donc cette médisance, elle divise encore plus vite que la sorcellerie. Elle divise en une heure ce que la sorcellerie ne fait pas en un mois. Car en une heure, tu peux donc faire détester quelqu'un, son frère, alors qu'il aimait énormément son frère. Donc tu vas diviser encore plus vite que Sahel. Sahel, quand tu donnes plus de temps, l'été n'est pas rapide, aussi rapide que cela, aussi rapide que l'été de la médisance. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la viande de son frère mort? Détestez cela. Alors détestez cela et faites Allah et craignez Allah et sachez Allah et pardonneur et miséricordieux. Donc on le voit bien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de riba, il avait dit Zikru ka akhak bima yakrah. Le fait que tu mentionne toujours ton frère, que tu dis que ton frère a tel et tel défaut, telle ou telle caractéristique, alors que ton frère déteste cela. Déteste cela. وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ. Voici que si mon frère, donc il vient en lui ce que je dis, قَالَ إِنْ كَانَ فِي مَا تَقُولُ فَقَدْ أَحْسَبْتَ. S'il y a, si donc tu retrouves en lui ce que tu as dit, tu as donc commis la médisance. وَإِنَّمْ يَكُمْ تَنْفِهِ مَا تَقُلْ فَقَدْ بَهَتَّهِ. Si donc ce que tu as dit de lui n'est pas en lui, tu as donc menti sur lui. Tu as donc en réalité menti sur lui. Donc voici en vérité ce qu'est Al-Riba. Le fait en vérité de donc, parler, même si la personne avait cela. Donc l'islam, bien sûr, elle interdit. Elle interdit. Donc elle fait de parler sur donc, les gens. Le fait qu'en plus c'est un grand péché. Alors que dire de parler sur ceux qui ont autorité parmi les ulama ou al-kumara, parmi les ulama et ceux qui détiennent donc le gouvernement. Donc le riba sur eux, il est encore plus fort. Car si la viande de ton frère, elle est interdite, la viande des savants, elle est quoi? Elle est empoisonnée. Si tu la sens, tu tombes malade. Et si tu la manges, tu meurs. Voilà ce que dit le même Ahmed, rahimahullah. Il dit, si tu la sens seulement, tu tombes malade. Le fait en vérité d'écouter ce qui passe, même si tu n'as rien dit, tu l'as senti. Donc tu l'as écouté. Tu sens c'est-à-dire que tu es proche. C'est-à-dire que tu as été proche de celui qui a parlé. Donc tu tombes malade. C'est-à-dire que les choubaïs, elles rentrent dans ton cœur. Là, Chérine Le Bain, tu ne connais pas le waqf. Là, on va sortir des histoires par rapport à la lune, par rapport au soleil, par rapport à la terre. On va sortir des histoires qui, sont, qui ne viennent pas même pas de lui. Il suffit de revenir donc dans parmi le Mejma Fatawa, donc justement, je ne sais plus 52, page 190, où Chérine Le Bain lui-même n'avait pas dit ça. Ça a été propagé, ils vont traduire une fatwa en son nom, comme quoi qu'il avait dit certaines choses, hein, vis-à-vis de la terre et la chérie, et que ce n'était pas lui. Et lui, dans son ajout, il répond. Il répond que les gens devaient craindre Allah et de vérifier avant de propager les choses, tout simplement. Parce qu'il n'avait jamais dit ça. Prendre donc la feuille de Bengal, et de changer des numéros, de trafiquer les feuilles, c'est facile. Hein, parce qu'on s'entend pas, on trouve dans beaucoup de livres, dans beaucoup de feuilles, on prend, on trafique, c'est possible. Très simple. Il y a qu'on propage, mais qui n'avait en vérité pas dit ça. Et encore moins dit que celui qui dit ça, c'est un mécréant, il a fait. C'est en vérité, donc du mensonge sur Chérine Le Bain, Rahmatullah Ali, et il répond. J'ai oublié le top, mais je me souviens que c'est dans page 190, mais le top, j'ai oublié le temps-là, et il parle de cela. Il répond à cela. Dans une page à peu près complète, il répond. Donc ici, on voit que les savants, après, on ne peut pas parler sur eux, lorsqu'on parle bien sûr des savants qui sont après dans la vérité. Donc, voilà de façon générale aussi. Ici, donc la question est pas de la toucher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ba'd. Hal idha kana 'inda ba'd al-'ulama akhta laysa fi al-'aqida, hal yajuz an atakallama fi a'radihim wa nattahimahum fi al-bid'ah wal-fusuq wal-kufr. Donc la question est-ce que si certains savants ont commis des erreurs et que ces erreurs ne sont pas dans le domaine de la croyance, hein, donc du dogme, est-ce qu'il est permis de parler sur leur honneur et de dire d'eux ou de les accuser comme quoi ils sont des innovateurs ou comme quoi ce sont des pervers ou comme quoi ils sont sortis de l'islam? Cheikh répond, rahmallah, al-khata'u ala qismain. Il y a deux types d'erreurs. Khata'u fil aqida وخطرهم في مسائل الفقهيه والاجتهاديه. Donc il y a des erreurs dans le dogme et des erreurs dans les sujets relatifs à la jurisprudence, là où il est permis de quoi? De faire des efforts d'interprétation. الفقهيه et الاجتهاديه. Donc là c'est bien précis. الفقهيه et الاجتهاديه et العقيده. Donc déjà Chiri fait déjà la différence entre deux points différents. أما الخطأ في العقيدة فلا يجوز السكوت عنه عليه ولا بد من بيانه والرد عليه بعد المناصحة لصاحبه إن أمكن لعله أن يتراجع ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك. Donc si la personne a fait des erreurs dans le dogme, il est interdit de se taire sur ce dogme. Tiens, on va essayer de mentir sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui accepte que les Jahmiyyah vont dire que nous, on est des Mujassima, que les Jahmiyyah disent que nous, en vérité, le fait qu'ils relient Allah Azza wa Jal, donc ils adorent le néant, considèrent que nous, nous adorons donc, c'est-à-dire une forme. Est-ce que celui qui aime la vérité accepte cela? Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il allait faire, il allait justement donc, détruire les cieux et la terre, rien que parce qu'ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal, le fait qu'ils ont commencé, critiquer Allah Azza wa Jal dans plusieurs domaines. Le fait qu'ils disent que la main d'Allah Azza wa Jal, donc elle est fermée. Le fait qu'ils disent qu'Allah Azza wa Jal a un fils. Le fait qu'ils disent qu'Allah Azza wa Jal a une amie. Le fait qu'ils disent qu'Allah Azza wa Jal est le troisième des trois. Allah avait répondu. Et presque, on aurait pu rester plein de cette terre. Et c'est dans le domaine des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas se taire. Mais il est obligatoire de répondre à ces gens-là, après avoir conseillé si c'est possible, si on est capable d'arriver à lui, si c'est possible, on le conseille directement, en espérant qu'il revienne. Et après, il n'y a pas besoin de faire plus que cela, d'écrire. Et le même Ahmed par rapport à ça, il dit, elle ouvre la lac, wassani alek. La première est pour toi et la deuxième est contre toi. Ce n'est pas la peine de rajouter. On ne t'a pas dit parce que c'est important de parler, par exemple, sur une secte en particulier, ou ceci ou cela, t'en perds trop. Tu vas parler contre eux parce que c'est obligatoire. Tu vas montrer la vérité parce que c'est obligatoire. Et c'est même un bien qui est vanté et loué par les célestes. Et les célestes n'ont pas juste vanté et loué, ils ont même réprimandé ceux qui ne parlaient pas, ou ceux qui disaient simplement ces démons. C'était des gens qui disaient on ne devait pas parler autant. C'est-à-dire, on ne devait pas parler, ou se taire. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui nous disent ceci et qui nous disent cela. Donc revenez dans Shah Jahl al-Ta'dil de Shir Abdal al-Bukhari, et que vous pouvez trouver sur le net. Revenez donc ce qui s'appelle Miras al-Anbiya, ou bien Mekpeba.net ou autre. Et vous allez voir, donc vous allez écouter, vous allez voir l'importance du sujet, et l'importance de savoir comment le sujet il est bâti. Mais bien fait. Ce sujet comporte énormément de règles. Donc on va respecter les règles. Et respecter les règles, c'est pas que du matin au soir tu parles tout ça. Donc tout ça, tu dois connaître aussi le Haq. Tu dois connaître la Sunna. La Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en vérité, tu parles, tu sais, tu te renseignes, mais aussi tu sais quand est-ce que tu dois te délimiter. Tu n'en fais pas en vérité, hein, donc ta priorité est dans tout. Si tu fais ça et qu'à côté tu me dis j'ai jamais appris ou j'ai jamais lu plein d'autres boussoules, tu me poserai des questions. Parce que tu as délaissé cette tawhid qui a été donc appelée par tous les envoyés d'Allah. Donc ma question elle sera normale. Et je ne dirai pas toi t'es un très bon manhaj. Parce que tu as un problème. Tu t'occupes que de ça et tu es tawhid. Donc on espère que les gens savent en vérité faire la part des choses. Il faut que la part des choses en réalité soit faite. Et regardez les ulama qui font cela et vous verrez. Vous verrez de par vous-même. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça et qui fait rien d'autre à côté. C'est pas vrai. Ils enseignent tout. Ils enseignent toute la religion d'Allah Azzawajal. Ils sont rentrés dans la religion d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire hein, dans toutes ses facettes. Par exemple, nous qui n'y allons pas, مراجعته ومناصحته فإنه يبين الخطأ الذي صدر منه بقصد النصيحة للمسلمين لا بقصد النيل من هذا الشخص. Donc s'il n'arrive pas à arriver à lui, donc il va bien sûr montrer l'erreur. S'il doit écrire un livre, on écrit un livre. S'il a parlé dans une assemblée, si on sait ce que dans cette assemblée-là, et qu'on a moyen de se retrouver dans la même assemblée, on va parler. Donc c'est selon en vérité le besoin. Si le livre a besoin d'être propagé dans le monde entier, il sera propagé des lunes dans le monde entier, par exemple. Donc on va dire aussi selon qu'il y a. Et ce qui compte, c'est quoi? C'est de le conseiller. C'est de faire bien les gens à la vérité. C'est ça, la niya, il faut que ce soit ça. Mais la niya, c'est pas de critiquer pour critiquer. Donc c'est pas un jeu, c'est la religion d'Allah. Et si, bien sûr, l'erreur, elle est donc, qui m'appelle, al-shakhriya. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ijtahad al-hakimu fa'atala falahu ajran. Ou il a ijtahad al-khata fa'akhta falahu ajran wahidun. Hein? Donc il dit, Faïda Ishtahada fa'ahta falahu ajr wahid. Si le juge, ou bien sûr le savant, al-hakim ici c'est large, fait des efforts, et donc il est dans la vérité, et qu'il fait vrai, donc il a raison, il aura deux récompenses. Et si il commet un effort et qu'il se trompe, il aura une récompense. Une récompense parce que c'est un savant, il a le droit de faire l'effort. C'est pour ça que vraiment on dit par rapport à l'ignorant, si il fait l'effort et qu'il a réussi, qu'il a bon, alors que c'est un ignorant, il a agi. Car il n'avait pas le droit de faire ça, parce que c'est un ignorant. Et si il fait un effort et en plus il a faux, il a deux péchés. Le contraire, par rapport au savant. Car lui, en réalité, il est ignorant. فَالَّذِي يُخْطِئُ بِمَا سَلَّى الْفِقْهِ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُهَجِّمَ عَلَيْهِ أَوْ أَنْ نَنْتَقِصَ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ وَهَذَا الَّذِي أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ. Donc s'il s'est trompé dans la sujet de fiqh, il est interdit pour nous donc, de lui sauter dessus, hein, et de s'en prendre à lui de façon virulente, et de le rabaisser de son niveau, car lui, il a le droit, il a commis cet effort, mais il s'est simplement trompé. Et c'est son effort qui l'a amené à ce résultat-là. Ce n'est pas le hawa, ce n'est pas les passions, ce n'est pas en vérité la haine de la sunna ou quoi que ce soit. On parle bien sûr toujours du savant sunni, du vrai savant. Lorsqu'on parle du savant, on se comprend. On n'est pas en train de parler de celui qui s'improvise savant, celui qui est acteur et qui veut s'improviser savant. Celui-ci, on n'est pas considéré même par rapport à la cette parole. Donc bien sûr, beaucoup de savants se trompent dans la communauté. Et qu'ils ne savent pas rabaisser quoi que ce soit hein, en leur valeur. Leur valeur, elle est restée intacte. Chez l'Islam Seigneur, à ce moment-là, donc il dit bien que si on critiquait le savant, si on critiquait les gens hein, vis-à-vis de ce qu'il disait, si on attaquait les gens tous les gens sur ce qu'ils avaient dit sur le sujet universellement de ce qu'ils avaient fait, personne d'entre nous n'aurait échappé en vérité à cette critique. Ni el-fuqaha, ni el-ulama, donc ni el-aïma, ni les imams, ni el-fuqaha, donc les juristes, consuls, et ni aussi el-ulama, les savants. Et Imam Ahmed le montre par rapport à cela. Imam Malik Afwan. Imam Malik Afwan, il dit bien كلنا رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. Donc tous les savants, nous tous, on prend de nous et on prend de nous et quoi? Et on rejette. Sauf celui qui est dans cette tombe. Et il a montré sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc c'est bien ici, il y a bien un rat. Il y a bien un rejet. Alors comment les gens n'acceptent pas que l'on rejette des erreurs de personnes? Qu'est-ce qu'ils aiment des personnes? Tu l'aimes, c'est ton problème. Là, tu ne me forces pas à aimer ce que tu aimes. C'est ta passion, c'est pas la mienne. Donc toi, reste comme ça si tu veux. Si tu te considères égaré, reste. Que tu sois comme ça, que tu ne sois pas comme ça, la vérité, elle reste en réalité la vérité. Et Ibn Qayyim, à ce moment-là, il dit bien par rapport à son cheikh Ibn Taymiyyah, il dit bien que, donc, qu'il aimait beaucoup ce cheikh, mais il dit que la vérité est préférable auprès de nous. Parce que s'il considère que le cheikh se trompe et qu'il a une autre avis, il dit j'aime beaucoup mon cheikh, mais la vérité, elle est préférable. Elle me reste préférable. Donc, Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, il a bien dit que nous ne sommes pas des Taymiyyin. C'est que nous ne sommes pas des gens qui suivent simplement Ibn Taymiyyah. Et nous, on pourrait dire la même chose avec tous les ulama maintenant. Nous ne sommes pas des Albanistes, ou bien nous ne sommes pas des Belbazistes ou quoi. Nous sommes en vérité des gens de la Sunna et du consensus, et on profite de tous ces gens-là dans ce qu'ils nous ont ramené comme vérité. Parce que ce sont nos savants connus et reconnus de la Sunna et du consensus. Donc, voici en vérité comment les gens doivent rejeter et par un saut. Et vous remarquerez que ces gens-là, ce ne sont pas les ulamas qui font ça. Ce ne sont même pas leurs élèves. Ce sont des gens qui se sont improvisés dans la batterie. Ils savent parler, ils ont du hir, mais en vérité, ils ont mauvaise compréhension. Et ce sont ceux qui font justement ce genre de débat. Car ces gens-là, en vérité, ils ont oublié quelque chose. Et vous remarquerez la différence entre eux et ceux qui ont vécu énormément chez les savants. Ils sont trop différents. Ceux qui voient celui qui s'improvise, qui voit celui qui réellement a profité, qui a passé 15 ans de travail avec lui, 10 ans avec lui, 5 ans là-bas, moins X années et X années à s'asseoir, à patienter, à apprendre de ces grands savants, on voit le résultat et on voit le fruit, on voit la grosse différence entre lui et entre lui. Ah, peut-être les gens le remarquent, ils ne le voient pas. Mais ceux qui sont habitués, ils le voient. Donc, ne vous étonnez pas que lorsqu'il y a des gens qui disent, lui il est comme ci, lui il est comme ça. Et toi, tu dis, ouais, mais. Ton ouais, mais tu mets de côté. Lui, il a de l'expérience. Il a de la science, il connaît. Donc les détails que tu ne pourrais pas voir. Même si toi, a priori, tu as écouté certaines cassettes et tu as aimé. Parce que tu as l'impression qu'il t'a ramené au haq. Et tu te rends compte que c'est beaucoup de choses qui sont généralement générales. Mais pas détaillées. Mais pas, qui ne ressemblent justement pas en vérité, conforme à tout ce que tu vois en vérité chez les vrais femmes. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir à eux. N'attendez pas que les dégâts se passent. Et après vous pleurez. C'est trop tard après. Le fitna, il aqbalat, arima kulla alim, ou arima kulla alim, ou il aqbalat, arima kulla jahil. La fitna, lorsqu'elle vient, la connaît chaque savant. Une fois qu'elle est passée, la connaît chaque ignorant. Donc il faut savoir en vérité respecter les savants et leur donner leur qadar. Qu'est-ce qu'il a le savant s'il a décidé en vérité de montrer les erreurs de quelqu'un? Il a une jalousie. Il a du dunya gagné, il a du hawa. Lorsqu'on parle des savants qui sont sûrs, que lorsque on les connaît pour être justement avec des gens qui conseillent les gens, pourquoi on s'écarte, on s'éloigne? Bon, moi je ne rentre pas dans ça. Moi ceci, moi cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Moi je ne rentre pas dans ça. Au point où tu ne sais plus rien. Là non, c'est hawa lâché. Tu ne sais plus rien. Ni tu recommandes le bien, ni tu retrouves le mal, et ni tu fais plus rien. Tu restes dans ton coin et tu crois qu'en vérité tu te protèges. N'est-ce pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu que des gens se disputaient, donc dans une tribu à Kouba, il a dit, comprenez, venez avec moi, on va gérer, on va régler entre eux. On va en vérité régler entre eux. Donc ne crois pas que c'est des choses, en vérité, que ce sont des choses dont il faut totalement, c'est-à-dire en vérité s'écarter, afin de croire que tu vas te protéger. Tu dois en vérité savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ça ferait partie des sifets, des croyants. Ça fait partie des compagnons du prophète, que Dieu si on veut demander le bien ou demander le mal, afin de ne pas y sombrer. Donc voici en vérité comment il faut être par rapport à cela. Et tout ça, bien sûr, donc c'est dans le texte, on va respecter. C'est le matin de Sakhia. Et on va en vérité respecter, car il est venu avec un des temps d'interprétation. La question elle est ici, à Salara, c'est Hadi Ayam Kitab ou Gerwan, Adwar Islamia, à la Rafida de Saïd Koto, pour s'écrire. Donc il y a un livre qui se propage actuellement, ou qui est sorti, donc qui est en vente actuellement, si on peut dire ça comme ça, qui s'appelle donc Les Lumières de l'Éclarté, donc musulmane, vis-à-vis du dogme de Saïd Koto et sa pensée. Du dogme de Saïd Koto et sa pensée. Donc personne ne veut, donc tout le monde veut qu'on se teste de lui. Il faut parler sur cette photo. Il faut parler sur Moussa, il faut parler sur Rothman, mais il ne faut pas parler sur cette photo. Car cette photo, il est intouchable. Donc, Wakhalaka, Mwadikuhu, il a le poli, il a la cette photo, Kadwaka, c'est Akhta, Jassima, c'est la Akhida. Narjouya, Fadira, c'est Shir, Antukhdirana, Berayika, c'est Adel Kitab. Donc, on voit que cet auteur, il a montré que Saïd Koutoub a donc sombré dans des erreurs graves dans le point de vue du dogme de la Aqida. Et on demande au Fadela Teshir que tu nous expliques, donc que tu nous donnes ton avis sur ce livre. Donc voici l'avis de Shir al-Fawzan, Hamdallah Azzawajal sur ce livre qui a été compilé par qui? Par qui? Qui a écrit, hein? Adwa al-Islami ala Aqida de Saïd Koutoub. Wafikri. Hein? Cheikh Rabi al-Madkhali. Cheikh Rabi al-Madkhali. Donc c'est Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, Hamdallah Azza wa Jal. Un instauré, normalement, je devrais, de façon générale, connaître ce genre de livre. Il devrait en réalité connaître ce genre de livre. Et c'est comme ça qu'en réalité, tu auras justement la soukja dans ces paroles-là. Il faut en réalité revenir directement à la source. Pour que tu saches si l'univers est bien ou n'est pas bien. Reviens à la source. Alhamdulillah, ici, il y a un savant dont tu as confiance et qui va justement parler de cela. Il a dit, Hafdullah Azza wa Jalla dans la réponse, Hada al-Amal Tayyibun, wa sahibu muhsinun, li'annahum lam yati bi shay'in min 'indihi, wa lam yatakawwal 'ala Sayyid Qutb. Voyez la réponse de Cheikh Al-Fawzan, Hafdullah Azza wa Jalla, qui dit, c'est un bon travail. Et l'auteur, et quoi, c'est un bienfaisant. Car il n'est pas venu avec quoi que ce soit, hein, de sa propre raison, de sa propre part. Il n'a rien inventé de par lui-même. Et il ne parle pas faussement contre cette photo. Donc il ne ment pas sur cette photo. Voilà, mais ta kawel. On comprend quoi? Que Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu le livre. Il sait ce qui se passe. Car il sort en toute connaissance des causes. Vous voyez? Par rapport à ceux qui disent que Cheikh Al-Fawzan, il dit qu'à cette époque, il ne faut pas parler. Vous voyez qu'en vérité, c'est des faits qui vont être propagés parce que les gens veulent que tout le monde se taise. Il y a pire encore, c'est des gens qui ont trafiqué une cassette, je ne sais pas comment ils ont fait. Il a pris la propagande en Belgique, donc sur le lien de Haoula en Belgique, hein, en faisant croire que Cheikh Al-Fawzan, ils ont trafiqué, que Cheikh Al-Fawzan attaque Cheikh Rabia, carrément. Alors que ça, on sait très bien que ces choses-là, en vérité, elles sont fausses et vaines. Voilà, si c'est arrivé ces jeunes chez eux, ça serait arrivé chez nous avant eux. Car ces gens-là avaient été détestés Cheikh Al-Fawzan, mais ils prennent de lui quand ils en ont besoin. C'est tout. Et là, ils ont trafiqué. Et c'est faux. Et ils savent qu'ils se propagent entre eux dans un cercle fermé ou chez certains ignorants. Quand on a essayé d'avoir la cassette, on n'a pas réussi à la voir. Comme ça, on peut prouver que c'est faux. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui peuvent avoir été ramenés ça, relama, et de faire tomber justement ce genre de cassette. Donc, vous voyez le mensonge et les gens du mensonge, comment ils disent. Wa innama zakara akhta waqi'a fi kutubihi wa nabdaha 'alayha bi dhikri subha بالنص الكلمة والنص الكلمة donc il dit ici certes il a donc montré des erreurs qui sont dans ses livres fi kutubihi c'est pas dans on va dire il y a plein de livres écrits dans un livre à la rigueur donc la majorité des livres c'est pas des erreurs là dans ses livres il montre donc il prévient contre ces erreurs là en montrant clairement où est l'erreur avec le nom du livre le numéro de la page il a écrit tout. Et le texte en lui-même, conformément à ce qui est écrit. Conformément à ce qui est écrit. C'est pour ça que dans la dernière, ou peut-être l'avant-dernière, parce que je ne sais pas à quoi j'ai dû arriver maintenant, hein, donc parmi les dernières tabaras de Fizilel le Coran de cette couteau, ils ont enlevé des choses. Les autres, ils ont refait le tabar en enlevant ce qu'il y avait dans les autres tabars. Hein, par rapport à Wahdat al-Wujud et autres. Dans le fait que, le fait de dire que Allah Azzajal, hein, est partout, et tout est Allah. Donc tout à l'heure, ils vont nous parler, Souleymane et les chiffres. Donc, afin justement de montrer, afin de trafiquer, encore une fois, de mentir sur les gens. Vous êtes, vous mentez, il n'y a pas de temps. Toi, tu es dans la tabara numéro 27. Reviens dans toutes les tabaras qui sont avant toi, 1, 2, 3, 4, 5. Mais pas que les gens, ils suivent. Pourquoi tu m'as montré ça? T'achètes la dernière tabara, hein. Tu enlèves, tu montres qu'il n'y a pas ça, c'est enlevé, tu sais que c'est enlevé, tu montres, tu dis c'est des menteurs, tu en passes, tu vas pas. Mais nous, tu dis reviens à celles qui sont avant. Reviens à celles qui sont avant et on verra ce qu'on va voir. Parce que lorsqu'ils ont répondu, je suis, ils ont répondu pas avec la nouvelle, pas avec celle qui vient de sortir après avoir mentionné les heures, mais bien celle qui était sortie après, donc avant avoir mentionné les heures. Normalement, mais Amana al-Emir, n'est-ce pas que normalement, celui qui est dépositaire dans ce domaine, il est, et il met en dessous, c'est des erreurs, tout simplement. Laisse-le dans le livre, au moins, corrige, et en dessous écrit, si tu as décidé de refaire un tabac, dis la vérité aux gens, dis ça c'est une erreur, ça c'est une erreur, ça c'est une erreur. Sans les erreurs, au moins les gens, ils seront, et quand les gens ils vont lire, c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben je rentre dans un livre, il y a des erreurs, je le jette. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas de jeter des gens comme ça, ils veulent scout. Soit en vérité comme ça, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour te tenir, pour te tenir dans ce que je veux. Et la meilleure façon, c'est de ne pas te faire apprendre la religion, de ne pas justement accepter les critiques. Donc, tu n'es plus critique. Tu es un suiveur à coincer. C'est un procédé qui rend vérité. Ils veulent être émir de certains groupes, comme on l'a vu des textes auparavant, qu'ils étaient en vérité aimés avoir al-émir au nom de ce qu'on appelle al-amal al-islami. C'est terminé l'ibada, c'est terminé ça. C'est terminé l'ibada. C'est maintenant al-amal al-islami. Est-ce que tu travailles pas pour l'islam? N'est-ce pas qui dit ça? Tu veux travailler pour la religion? Tu travailles pour entrer dans le paradis, tu travailles pas pour l'instant. Pour la religion. Ça veut dire que tu travailles pour la religion dans le sens où, ça va, il faut que tu sois un pion parmi les pions dans l'armée des musulmans, dans le sens où tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et pour bien gérer tes actes, donc on va te donner un chef. Ce qu'ils appellent en réalité Al-Amal al-Islami. Et dans ce Amal al-Islami, tu vas justement être éloigné aussi à Koulah et Ulama. C'est leur but. C'est leur but, ceux qui sont autour de cette couteau, c'est comme ça qu'ils procèdent. وما دام كذلك فإنه لا مؤاخذة عليه. Tant que le livre est comme ça, on ne peut rien dire sur ce livre. Il n'y a pas donc de réplique contre ce livre. ما دام أنه ذكر واستند ووثق من كتاب الرجل فقد أدام عليه. أدام عليه. Si, tant que le Shira fait ça, et qu'il a montré les preuves, il montre les preuves réelles de d'où viennent ses erreurs, c'est donc si on versait son propre travail. Il n'a pas simplement fait le travail obligatoire Adam Ali min wajibat en vérité. Lorsqu'il dit Adam Ali, il a fait ce qu'il devait faire. Car c'est obligatoire que cette nasiha soit fait pour moi par un homme. C'est par qui fait. Et si personne n'avait fait, ça serait justement interdit pour nous. Que les gens le sachent, que les gens le sachent. Et que personne ne sait déjà passer mahal dans la religion. C'est impossible, Adam Mohal. C'est impossible que dans la communauté d'islam, il y aura. C'est-à-dire tous les savants savent qu'il y a des rêves et personne ne parle. Ça n'a jamais existé, ça n'existera pas, inshallah, jusqu'à l'enfer. Il y aura toujours les ummati, hein, la tazalu les ummati, il y a une forme, va'in al-haq. Il y aura toujours des gens qui sont clairvoyants dans la vérité. Et clairvoyants dans la vérité, c'est de dire ce qui se passe. C'est de dire ce qui se passe. Donc il y aura toujours, ne serait-ce un ou un groupe de personnes. Il y aura toujours. Il n'y aura jamais, et ça, c'est dans les livres de sortir, qu'on ne voit jamais donc, la communauté, la tazalu ummati, à la salada. Ma communauté ne se rassemble pas dans l'égarement. Et si tout le monde se tait sur défaut de l'égarement, donc c'est de l'égarement de se taire. Le fait de se taire, c'est déjà un égarement. Et elle n'est comme il a dit que jamais la communauté ne sera dans l'égarement. C'est que la religion, elle est protégée, même si c'est de part en part, c'est-à-dire même si c'est pas complètement avec par tout le monde, mais pas au moins un groupe de personnes. Donc c'est normal qu'il y aura en vérité des gens qui vont répondre contre en vérité le faux. Donc madame Anna Mouadika, لم يأت بشيء من عنده ولم يتطول على رجله ولم يكذب عليه إنما نقل كلامه بنصه من كتبه وذكر صفحة والكتاب فقد بريت أو بريت ذمته. En vérité, tant que le Cheikh Rabih Hamdallah Azza wa Jal n'est pas venu avec quelque chose de sa part et ne parle pas sur lui, personne ne ment pas sur lui, ça n'a pas inventé ça, il dit que cette Qutb al-Isar ne l'a pas dit, et qu'il a tout simplement donc, propagé, il a simplement pris ces paroles, exactement ces paroles-là, et il a simplement répondu à ces paroles-là, en montrant des sourates plus les pages et tout. Lui, on va dire là, il est protégé. Varié, Zimato. On va dire là, il est protégé. Après, du péché par rapport à cela. Voilà, Bouddha, min bayani hada, li anna hadi il kutub, bi aïdi shabab, yatabirun al sahiwa, min qada te tikr. Car, il est obligatoire d'être parlé, car ces livres-là sont entre les mains des jeunes, et qu'ils considèrent que ces livres-là, que ces gens que celui-ci, donc cette kutub, fait partie des grands penseurs. C'est un guide pour eux. C'est un guide religieux. C'est un guide religieux. Si ce n'est pas l'Aqidat c'est le Kutub qui est venu donc détruire les jeunes en Arabie Saoudite, c'est quoi alors? Ils disaient ça tous les mercredis soirs et tous les jeudis soirs. Ils allaient dans le désert, ils faisaient des groupuscules, ce qu'ils appellent l'Amal Islamique, ceci, cela. Ils vont, ils sont là-bas, mais je suis, ceci, question réponse islamique, des choses comme ça, tatati, tatata, chant islamique, et hop, ils sont obligés de lire autant de pages de Jalon sur les routes. Ma'alim Tiftariq. C'est comme ça qu'ils font. Et lorsque des gens, dans les années 84 à peu près, à Riyad, ont posé la question, donc ça a bien marché, le fait que son frère était là, Mohamed Koutou, lorsqu'il a propagé cela en Arabie Saoudite. Et lorsque à Riyad, alors qu'il y avait les chouyous, parmi les chouyous Mohamed Ben Hadi, Hafzallah, il était encore étudiant à l'époque, il y avait à l'époque où tous les gens se disaient tous salafis. Tu pouvais trouver ici Cheikh Mohamed et ici Aïd Parmi, des amis, c'était les mêmes époques. Avant que, justement, cette division vienne par justement, on va appeler ce genre de livre et ce genre de personnes. Et lorsqu'il y a eu un Bayen et que les gens ont commencé à lire ces livres, et des gens qui connaissaient le Tawhid, ils ont remarqué ces erreurs, ils ont remarqué en réalité ces erreurs-là, ils ont commencé à parler. Et là, la division a été faite. Depuis 1980 à peu près, la division a commencé à se faire. Et après, alhamdoulilah, donc quelques années après, il y a eu beaucoup de livres qui ont commencé à sortir et qui ont montré réellement qui était le bonhomme. Qui était le bonhomme, quel est son fixe, sa façon de passer, et qui sont ses suiveurs, qui étant en vérité la majorité des gens. Qui sont en réalité à coup de la majorité des gens. Que ce soit parmi la femme, le khawarij, ou que ce soit aussi parmi les femmes musulmanes et autres encore. Voyez un peu comment en vérité les gens veulent tais-toi pour que eux en vérité travaillent. Et toi tu restes comme ça, tu dis rien. Tu dis rien. Ils ont éloigné tous ces jeunes des ulama. Ils ont éloigné tous ces jeunes des ulama. Ils ne profitaient pas de Cheikh Mohamed Rahmallah. Ne croyez pas. Ne croyez pas ça. Ils ne profitaient pas de du tout. Ma hukmu al-julus ma ma yatakallamu fi an-nas wa yadhkuru ma sawihim wa yubihim fi kulli waqt. Quel est le jugement de s'asseoir avec celui qui parle sur les gens et qui ne fait que critiquer les gens, qui ne parle que leurs défauts, et à chaque fois, en tout temps. C'est son travail, il ne fait que cela. Le djawab, hada mortabun, wala yadouzul djouz, ma'ou, illa bishak, an tunkira alayhi, ou an tazubba an a'rab al-muslimin. Donc celui-ci, la réponse, c'est qu'en réalité, c'est un médecin, donc c'est quelqu'un qui fait la médisance, il commet de la médisance, il est interdit de s'asseoir avec lui, sauf à condition que tu réprouves cela, que tu dises que cela n'est pas bien, ou que tu défendes l'honneur des musulmans. Que tu défendes l'honneur des musulmans. Malgré ça, les gens ne remarquent pas. Hatta, les gens maintenant, ils arrivent, ils racontent des fois ce qu'ils ont vu à la mosquée, comme ça se passe bien dans la maison, et peut-être dans ta maison, et là, moi, tu n'y cries pas. Donc tu es en train de dire, oh, c'est rentré dans ma maison, ne crie pas, restez comme vous êtes, parce que ceux qui crient sont pires que vous. Et peut-être que la sœur elle a peut-être un mini-jupe, le prêt est je ne sais pas quoi, c'est un rasta ou je ne sais pas quoi, et en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu les éloignes. Parce que tu racontes les mauvaises choses à n'importe qui. Et ça, c'est une grande erreur. Bashiru, voilà que Nassiru, le dit Salah Wassan. Donc, avancez les bonnes nouvelles et ne faites pas souffrir. Yassiru, voilà que Nassiru. Facilité, ne faites pas, ne rendez pas les choses, les tâches difficiles. Voilà comment il dit, le dit Salah Wassan, il a dit ça à qui? Au Touhat, il a dit ça à ceux qui enseignent la religion, lorsqu'il les a envoyés. Ça c'est la fin du hadith. Ça c'est la fin du hadith. À qui de celui qui va, ceux qui vont faire da'wah. Voici la fin du hadith. Donc on va dire, annoncez les bonnes choses et ne faites pas fuir. Et aussi, donc facilitez et ne rendez pas les choses donc, difficiles. Amal djous ma'ou min ghilikum kat. Fahada la yajudu li anna hu sayakouna ridan bil ma'asiyah أو موافقة على المعصية وعدم إنكار عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Vous connaissez le hadith, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit donc, de convertir si tu te tais, c'est comme si tu avais accepté. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il l'arrête avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, et s'il ne peut pas avec son cœur. Et cela est en vérité le plus bas de la foi. C'est-à-dire que c'est pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est le plus bas de la foi, parce que tu es obligé de l'avoir. Ça c'est absolument immense. Si tu n'as plus ça, tu n'as plus de foi. C'est-à-dire que tu as un problème. Là, il est trop grave ce problème, parce que tu ne ressent même pas le mal de ça. Et ça, c'est Aslou el-Iman, el-Qa'ida el-Iman. C'est la base de la foi. C'est la règle de la foi. D'avoir au moins ça dans son cœur. Et là, il y a tout elle. On dirait tout chir. Al-Yazab, Zikr, el-Mahakim, عند النقد بعد الأشخاص خصوصا من وقعه في أمور عقلية أم يكتفي بذكر هذه الأخطاء فقط. ما هو المنهج الصحيح حين نقد هذا الأمور؟ جزاكم الله خيرا. Donc il dit, Fadilat al-Sheikh, est-ce qu'il est obligatoire donc, de mentionner les bonnes actions donc, de certaines personnes alors que ces gens-là ont sombré dans les erreurs dans l'Aqida, donc ils ont commis des erreurs dans l'Aqida, ou il nous suffit de mentionner ces erreurs tout simplement? Quelle est donc la vraie voie? Quel est donc le vrai principe, la vraie façon de faire lorsqu'on veut en vérité donc, montrer des erreurs dans certains sujets? Comme vous récompense. Donc le jawab, il a quand même un doute alayhi عند الاخطاء في العقيده فهذا لا تذكر محاسنه. Il dit Cheikh Abdullah, si celui dont tu parles, donc si en vérité donc, lorsque tu réponds contre lui, et alors qu'il a des erreurs dans l'aqida, tu ne dois pas mentionner ses bienfaits. Tu ne vas pas mentionner ses bienfaits. لأنك إذا ذكرت محاسنه رجت أخطاؤه وجعلت الناس يحسنون الظن به ولا ينتبهون إلى ما عنده أو ما عنده عفوا إلى ما عنده من الأخطاء في العقيدة. Donc ici il dit, Alhamdoulilah, que si tu vas commencer à mentionner en réalité donc les bonnes actions qu'il a fait, donc c'est comme si en vérité, ces bonnes actions passées avant ces mauvaises actions, elles vont prendre plus d'ampleur, plus d'importance. Et tu vas être la cause que les gens auront le bon doute sur lui. Ils vont avoir le bon doute sur lui et ne vont pas prêter attention sur les erreurs qu'il a fait dans le peuple. Ils ne vont pas prêter attention à ces erreurs-là. Tu vas dire, oui, mais il en a mangé au pauvre, oui, mais il a beaucoup de prières, oui, mais il a fait beaucoup de hajj, oui, mais ceci, oui, mais cela. N'oublie pas les erreurs qu'il a fait là. Tu mentionnes et tu ne mentionnes pas le reste, ça ne sert à rien. Ça n'a rien à voir avec le sujet. En plus, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec le sujet. Même si c'est la même personne. أما إذا كانت أخطاؤه في مسائل الفقه. Donc si les erreurs sont dans les sujets du fiqh, فمسائل الفقه يعني أمرها سهل. فإذا كانت أخطاء الإنسان في مسائل الفقه فإنك ترد عليه ولكن تذكر أن هذا له محاسن وله مقام في الإسلام. Mais si c'est quelqu'un qui a des erreurs dans le fiqh, des erreurs dans le fiqh, donc on comprend qu'il n'y a pas d'erreur dans l'aqida, il y a des erreurs que dans le fiqh. Mais pas dans le tawhid. Donc il y a un bon manhaj, il y a une bonne aqida, c'est pas un problème dans le fiqh. Donc c'est des erreurs en vérité dans le sujet de la jurisprudence. En ce moment-là, bien sûr, le sujet donc, il sera différent. On est dans un autre domaine. Tu réponds, tu le donc ce sera déjà plus simple, plus facile. Si ces erreurs sont dans le fiqh, dans la jurisprudence, tu montres l'erreur, et bien sûr, tu peux aussi, à coup de hel, parler aussi des bienfaits qu'il a fait. Pas de réfléchir, qu'il a beaucoup de cycles, tout que c'est ça, mais pas pour moi aussi, Seigneur. Parce qu'il n'y aura pas en tout cas d'Al-Karama. Car son honneur, il est respecté. L'honneur du shir, il est respecté. C'est un shir, il est connu, comme quoi c'est une personne de bien, qu'il a un bon ménage, qu'il a une bonne akhida, mais il a fait des erreurs dans le fiqh. Tu montres les erreurs dans le fiqh, mais tu dis bien que c'est pas de réfléchir, un grand shir, mais c'est pas moi aussi, Seigneur. Il n'y a pas de problème. Enfin, de garder l'honneur. De ne pas entrer dans le cœur des gens avec la règle de ce chiffre, rien que parce qu'il y avait certaines erreurs. Donc il faut en vérité avoir aussi donc, une autre position. Ce n'est pas la même position que celui qui fait des erreurs en vérité dans le tawhid. Car il a en vérité une bonne place dans la religion d'Allah Azzawajal. Il y a juste une nette, une bonne abbaye. Là c'est le contraire. Vous avez vu le contraire du contraire. Ici on on va pas le critiquer, on va dire au contraire du bien. L'autre, on critique, on dit pas son bien, lui, on critique, on montre une erreur et on montre le bien. Car lui, quoi, il mérite que son bien soit montré. Il le mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une place, peu de place dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les gens en vérité n'ont pas du mauvais doute sur lui. Aussi la question c'est ma raïkum fi man yaqul al shaykh akhta ou fulan akhta. Quel est votre avis sur le shaykh, sur la personne qui dit le shaykh est trompé ou un tel est trompé? Donc c'est le jawab, c'est la boutan ishartain. Il faut donc dans ce cas deux conditions. Awalan an takuna al khati'a bi 'ilm ou tahtiya bi 'ilm. Donc en vérité ici tahtiya elle sera donc avec science. Dans le sens où, si réellement la personne s'est trompée, donc tu vas le prouver avec science. Donc ici, en vérité, la deuxième condition, c'est que ton but de montrer que cette personne s'est trompée, c'est parce que tu veux montrer la vérité. Tu veux en réalité montrer la vérité. Tu as maintenant vu un frère que tu connais bien, un frère à Koulhel, il a commis une erreur. Tu dis Seigneur, mais tu dis mais Jésus, c'est le chir qui a fait cela. Ben, tu dis, ben voilà la raison, pourquoi tu as fait cela. Car en réalité, le chir s'est trompé parce que la réalité elle est là. Tu viens à Koulhel, toi tu n'es pas venu pour casser le chir. Non, t'as suivi n'importe quoi. Tu viens en réalité montrer que ce chir-là maintenant s'est trompé. Si c'est parti derrière le Seigneur, si c'est quelqu'un qui est vraiment un égaré, ou c'est quelqu'un qui égare les gens, tu vas lui expliquer à Koulhel aussi qui a fait cela. Tu vas expliquer la prison de cette personne-là. Et comment elle arrive à cela. Donc ici, donc. C'est pas pour critiquer la personne en elle-même, on n'est pas là pour ça. Car la personne, elle commet des erreurs. Le fils d'Adam, il commet des erreurs. Ça, c'est la nature. Même beaucoup d'erreurs. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous voudrait que lorsqu'on nous conseille dans les erreurs qu'on commet, qu'on nous conseille de la même façon. Moi, j'ai pas envie qu'on m'attaque. T'as envie qu'on t'attaque? Non. Ben voilà. Personne ne veut ça. C'est la nature. On veut qu'on nous conseille de la meilleure façon. Qu'on nous conseille en réalité de la meilleure façon. Non. De servir de de façon bien douce, tu viens, tu m'expliques avec la science, chacun en accepte. Tout simplement. Donc on conseille. Et chaque personne a validé comme des offres, sauf l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Là, ils sont bien sûr les envoyés d'Allah, ils sont ma'soumoun, ils sont khatam. Amma man, adahu, fahu, yurtihu, wa yursih, la shikka, fi hada. Mais bien sûr, sauf donc, offre que les envoyés font tous des erreurs et en plus des vérités, sans doute. Ou alayhi ta hada ghiban, ou ghiban afwat, ou alayhi ta hada ghiban, fil alim. أنه يخطئ إذا بدل وجهه واجتهد ثم لو وقف للصواب وعلينا بيان الخطأ وتجنب. Donc en vérité, tu vois, c'est pas honteux. C'est pas quelqu'un qui tire les photos. Il voit des lumières. Je vois quand même, hein. Je vois parce que je vois quelque chose qui brille, je sais pas comme si c'était des flashs. Donc ce n'est pas en vérité honteux, à peine, hein, de se tromper même pour le savant. Alors qu'il y a fait des efforts possibles justement pour arriver à la vérité. Et si le Alhamdoulilah est dans la vérité, eh bien tant mieux. Si nous tu montres le faux, ou tu t'écartes de ce faux tout simplement. Et toujours donc par rapport à ça, ou toujours par rapport à comment en vérité on doit être vis-à-vis des savants. C'est le problème pourquoi on dit ça, parce que les gens ils sont rentrés dans la salafia, ou au nom de la salafia, ils s'habillent de l'habit du salafi, après on va essayer de. Si l'on est déjà la salafia. Comme les autres, à une échelle mondiale, même eux, c'est l'échelle mondiale de toute façon maintenant, parce qu'ils font de plus en plus. Ils se sont réunis un peu partout dans le monde. Et ils ont utilisé exactement les mêmes moyens qu'utilisent les autres. Et aussi maintenant, c'est la télévision. Et aussi maintenant, c'est le même principe. Et tu les. Les gens, ils ont touché ce qu'on appelle, si on peut dire ça comme ça, la salafia, hein, l'amma, et les autres, c'est la salafia, et les khafa dans le sens où, si on peut dire ça comme ça. Ils ont touché la salafia de façon générale, les autres, donc les premiers et les deuxièmes, la salafia ou celle qui quoi, en réalité, qui s'est portée garante des lignes de montrer où est le faux du vrai. Donc eux, c'est la khassa, la spécifique. C'est assez spécifique, justement, assez spécialisé vis-à-vis, en vérité, de quoi, donc de ce domaine spécifique, de cette science, en vérité, spécifique. Toujours. ما رأي فضلتكم في من يقول أحسن من شرح التوحيد معنى لا إله إلا الله في الخطبة؟ Voyez donc, au nom de la salafia, cette personne-là qui défend partout, Cheikh Issam qui est mis à la télévision, qui se dit élève de Cheikh Albani, qui. Et c'est quand même lui qui a quand même dit que la personne qui a le mieux donc expliqué le sens de la ilaha illallah, c'est cette photo. Allahu Akbar. Il a fallu attendre 14 siècles pour qu'un Khariji explique mieux que Cheikh Issam Kenya, qui explique mieux que Ibn Qayyim, qui explique mieux que tous les ulama, personne sauf lui. Comment il a fait? Comment il fait? Qu'est-ce qu'il a dit de particulier? Ahsan min sharah. Wa fi min yaqul ma ja'a ba'd ibn Taymiyyah mithlu cette photo. La même chose toujours. Il y a personne après Ibn Taymiyyah qui est venu, qui est meilleur après, qui est venu comme cette photo. Si je réponds, Hazurullah, Jawab, al-mas'ala, laysa al-mas'ala ta'awi. Al-mas'ala, mas'ala ta'a'iq. Ça, c'est important. Le sujet, c'est pas le sujet du fait de dire. Ce sujet, c'est de voir vérité, c'est quoi le sujet? C'est de voir vérité. Où est la réalité? Où est la réalité des choses? Alhamdulillah, les gens ils connaissent. Donc le vrai, la vraie ou la fausse explication de l'un et de l'autre, elle va être connue chez les gens de science. Elle va être acceptée ou elle va être rejetée. Quand nous radions, quand même tout l'aide, on laisse de nous diviser les petites voies sunna. Donc on prend, on va voir, on retourne à la parole d'un tel. Et en vérité, on va la peser. On va la mettre ici en face d'un miroir. C'est quoi le miroir? C'est elle qui fait votre sunna. On verra si elle est conforme au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, il y a le Coran et la sunna authentique qui sont clairs. Il y a un barak, il faut un haq, il faut un far, il faut un sabat, il faut un hukm, il faut une ilda. Tu prends un hukm, tu veux où tu veux. L'origine, c'est que ici, tu parles donc l'origine, c'est pour la science. D'accord. Le farc ne peut prendre la science chez Al-Muqtada. Et alors tu dis que tu l'as utilisé par rapport à lui. Abou Huraira n'a pas pris la science, chez Al-Muqtada il n'est pas parti. Lui, il est où il puisse prendre la science de chez lui. Vous voyez? Donc est-ce que tu vas chez Al-Muqtada prendre la science? Est-ce que Abou Huraira est parti chez Iblis? Il a dit je veux prendre mon cahier, je veux prendre. Mais là tu vas aller chez Al-Muqtada m'apprendre la religion. Chez l'Iblis, il n'a pas fait ça. C'est l'Iblis qui est là, il a attrapé, donc il y a une pétain, il y a un événement. Il a parlé, il a écouté. Il n'y a pas, il a tout simplement écouté, mais ça c'est pas fait, c'était un kazzab. Et Abou Huraira, il ne sait pas qui il est, au début. Il ne sait pas que c'est Shaitan. Il parle, donc il va te parler. Mais toi, tu vas aller chez quelqu'un dont tu pourras en vérité être égaré. Les ulama, ils ont donné des choses à Abou Huraira par rapport à ça. Les ulama, ils ont donné des choses par rapport à ça. Est-ce que c'est une chose dont tu as besoin réellement, toi? Ce n'est pas juste parce que tu as envie d'apprendre des choses en plus comme ça. Est-ce qu'il n'y a que lui? Est-ce que tu en as besoin parce que tu vas te propager les gens? Il n'y a que lui qui l'a. Est-ce qu'il appelle pas à sa bid'a? Est-ce qu'il aussi il n'attaque pas les gens de la sunna? Donc vérifie chez la personne si elle est comme ça. De façon générale, c'est rare qu'on va trouver cette personne qui aura toutes ces conditions réelles. C'est rare, très très rare. Donc il faut des choses autres. Et puis il ne te mette aucune condition lui aussi. Donc il faut qu'il ne te mette aucune condition. Donc reviens à ce que tu vas entendre beaucoup de paroles par rapport à les conditions, par rapport à reprendre sur les gens de la bid'a, comme Cheikh Obeid qui a expliqué cela. Il n'y a même pas un an que c'est faire Ramadan dans ses fatwa et faire Ramadan dans sa mosquée. Et je regardais il y a 2 ans à peu près, donc le 5 octobre 2007, dans le Mouhadara qui a fait un magistère de la Terre Médée, qui s'appelle Fadl al-Ilm, qui s'appelle Fadl al-Ilm. Donc vous allez écouter, vous allez voir avec ce que dit Cheikh Hafez Allah Azza wa Jalla par rapport à ce qu'il a fait, ainsi que Cheikh Obeid Hafez Allah Azza wa Jalla. Al, il faut dire que vous avez dit que donc, est-ce que votre honneur, vous allez nous montrer clairement ce qu'est donc la divergence qui est louable, qui est permise donc, et quelle est la divergence qui est donc réprimandée? Chéri dit, Hamdallah Azza wa Jal, le jawab yani, al-khilaf ou laysa mahmoudan, ou lakin hunaka al-khilaf, yu'adha bih. Donc, Cheikh reprend, donc celui qui pose la question, son élève, ce Talib El, qui est son élève, qui lui dit, la divergence n'est pas louable, mais il y a ici de la divergence qui est donc excusable, et de la divergence qui n'est pas excusable. Donc, il y aura deux catégories de divergence, celle qui est excusable et celle qui n'est pas excusable. mais pas louable, parce que c'est quand même une divergence. Donc ça démarre à partir d'autre chose. Donc on ne peut pas dire louable, mais où on a une excuse à donner. فالخلاف في مسائل الفروع الاجتهادية فاستنباط الأحكام من الأدلة هذا يقول الدليل يدل على كذا وهذا يقول الدليل يدل على كذا فكل قال بحسب ما ظهر له وأراده اجتهاده. Donc la divergence qu'il y a entre le sujet donc de sous-battement qui ne sont pas de base donc plutôt les sous-battements ou les sujets à interprétation comme le fait de ressortir des règles religieuses vis-à-vis de preuves, et qu'on dit que cette preuve veut dire celle-ci, ou cette preuve veut dire celle-là, hein, maintenant, veut dire ceci ou cette preuve veut dire cela. Donc ici, ça va expliquer selon ce qu'il y aura ressorti comme divergence. Comme divergence. Donc c'est comme par exemple le hadith Abi Bakr, le hadith de celui qui donc fait le recours, et qui marche avant de se retrouver, hein, c'est-à-dire dans le rang. Comme son recours, il a fait le recours, et il a fait plus que ça, il a rebondi, il a fait, parce qu'il était loin. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'il dit, hein, donc, ici, par rapport, si on rajoute le harakat, hein, si on prend le harakat, et le harakat ici, on va voir quoi? On peut retrouver ici trois verbes différents. Si tu prends, donc, il y a trois lettres, el ta, el aïn, et el bel. Donc si tu dis la tourite qui veut dire en vrai, ne recommence pas. Ne recommence plus que ta faute. Mais ne recommence pas plutôt. La tourite. Hein? La tourite de Sparaf, ça veut dire. Ne recommence pas la prière. Imana, elle est bonne. Elle est acceptée. Il y a des gens qui ont dit non, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire la taout. Ne recommence plus jamais cela. Ça veut dire que c'est haram. Eux, là, tu dis, donc c'est, tu peux le refaire. Parce que c'est. Donc il dit la tourite, tu n'as pas retard ta prière l'accepte. Le deuxième dit la taout, ne recommence plus ce que tu vas faire. Non, c'est de la taout. Non, là, c'est jamais trop début. Non, la tourite, ne recommence pas la prière. Non. Donc t'as accepté. Ici la taout. Donc quoi? Ne recommence plus ton acte. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que c'est haram. Et comme ils vont dire qu'ils ne connaissaient pas auparavant, donc c'est refusé pour eux. Et même d'ailleurs, il y a chez le Rélama. Le Rélama, ils ont dit si c'était haram, il aurait dit de recommencer ta prière. Mais comme c'est pas haram, donc il y a qui est par contre. Et l'autre, c'est quoi? C'est la ta'adou. On a toujours été utilisant avec les trois mêmes lettres. Mais simplement, c'est quoi les ponctuations qui changent? Hein? Sukun, Tomba, tout ça. C'est les ponctuations qui changent. La ta'adou, ça veut dire ne te précipite pas. Ne t'empresse pas. Et eux, ils ont dit, donc dans ces cas-là, si la prière à l'âme, elle dit, c'est quoi? Allez, coupe les sakina. Allez-y tranquillement. C'est pas de t'empresser, de commencer à l'avance à faire déjà les gestes, alors que tu n'es pas vraiment en prière. Et ne recommence pas. Et justement aussi, ils ont dit que, ça veut dire qu'on va être certain, il y a une chose de la khilaf par rapport à ça, certains disent tu fais, et certains disent tu ne fais pas. Vous voyez, c'est un exemple de khilaf. Donc comment on fait? Qui a raison? Dans ce moment-là, Allah a'lam. Vous voyez, c'est pas si simple. Je veux dire par rapport à certains khilaf qui sont en vérité après le commun. La même chose, on va être une salaire dans la bakafi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, mon compagnon, on va partir chez cette tribu de juifs, donc venez pour l'aïda, il dit bien. Que personne d'entre vous ne crie que si vous arrivez à Beni Qurayza. Certains ont compris à la lettre de ce hadith, cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils n'ont crié que là-bas, alors que leur prière était dépassée, et d'autres ont compris que ça allait être empressé. Ils ont fait un taqwil. Donc ils ont compris, donc ils ont une interprétation, un échec de grand savant, alhamdulillah, parce que ce sont les compagnons. Et voilà, donc ça c'est un pardon, c'est des khilafs qui sont permis du fait que dans la réalité il y a donc des efforts à faire d'interprétation. Et bien sûr, donc, le khilaf qui est interdit, pas ouais, des khilafs de l'aqida. Hein? Donc à ce moment-là, dans l'aqida, il n'y a pas de majeur les khilafs. Il n'y a pas de place à les khilafs. Je ne dis pas les khilafs. Comme certains le font, actuellement, toujours le monde est khilafs, ils disent. Il y a Khilaf et Asma Wattifat. Mais ils veulent en vérité, hein, ramener les Shibouhat de Al-Asha'ira par exemple, ou d'autres. Ils veulent en vérité donc jouer avec certains points. Dans ce moment, on n'accepte pas. Donc là, c'est l'Akhila. Ou là, c'est le Menhaj. L'Aïsa Majalan et l'Ikhilaf. Le Menhaj, ce qu'a fait le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qu'il a ordonné, donc, ce qu'il a interdit, donc, ce qu'il a fait, donc, ce qu'il n'a pas fait. Hein, c'est Dawah. il a fait les tantous dans la dawa, dans la façon de faire. Les gens maintenant, ils inventent des voies différentes et on voit ce que ça amène. Et on voit, en vérité, la divergence, comment elle part. Et puis, Allah Azza wa Jalla, vis-à-vis de ça, il a demandé aux gens de revenir au livre d'Allah Azza wa Jalla et sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam. La sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et attention, car on est bien sûr loin de pouvoir se permettre de comprendre si on ne passe pas par la compréhension de ceux qui vont nous aider à comprendre. C'est pas eux qui vont nous aider à comprendre, c'est toi qui vas comprendre tout ça. Là, tu as besoin en réalité de gens qui vont t'aider, qui vont t'éclairer dans cette lumière. Et c'est aussi, donc sur par rapport à la question, je te dis, il faudrait réfléchir. النصيحة للشباب الذي ترك تعلم العلم الشرعي والدعوة إلى الله والأخذ يقول وأخذ يقول في الخلاف بين العلماء بلا علم ولا بصيرة. Est-ce que donc toujours pour notre chef, quel est ton conseil vis-à-vis des jeunes qui vont délaisser ترك تعلم العلم, donc ils ont délaissé l'apprentissage de la religion, donc de la jurisprudence et de l'appel à Allah Azza wa Jalla, et qui n'entre que dans les divergences qu'il y a entre les savants, sans science et sans donc clairvoyance. Je dis donc un homme, aussi jamais ikhwani, wa khafat al shabab, wa talabat, en yashfilu, ou yashfilu, et talab al-ilm, al-sahih, fa'un kanu, fil masajid, ou fil madari, ou fil ma'ahid, ou fil kulliyat, wa en yashfilu, et durusihim, وبمصارحهم ويترك الخوض في هذه الأمور لأنها لا تأتي بخير. Donc ici, il dit bien, donc je conseille tous mes frères, et spécialement les jeunes et ceux qui veulent apprendre la religion, de en vérité donc de s'occuper à apprendre la religion qui est authentique, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les écoles, ou donc dans les écoles ou bien dans les universités, et qu'ils s'occupent en vérité d'apprendre dans leur douloureux, donc d'apprendre en vérité, et de prendre ce qui est bon pour eux, et de délaisser justement le fait en vérité de sombrer et de rentrer dans ces choses-là qui en vérité n'apportent pas de bien. Parce que si tu es un jahil et tu ne cherches que cela, tu ne vas pas aller loin. Tu vas en vérité salir la chose, tu ne vas pas l'embellir. Combien de gens maintenant détestent hein, justement le fait de rentrer dans les khilaf des ulama à cause, alors que rentrer dans justement maintenant, vous détestez d'entendre maintenant parler, si tu vas dire il y a telle et telle erreur chez telle personne, à cause de ceux qui ont sali cette science qui est noble. En vérité, ils ont sali cette science qui est noble. Elle est à l'origine noble, elle est belle, mais elle est salie à cause des gens qui viennent la salir. Parce que ce ne sont pas en vérité les gens qui doivent s'occuper de ce cas-là. Eux, ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin en vérité d'apprendre leur religion. وليس من المصلحة الدخول فيها وإضاعة الوقت فيها وتشويش الأفكار. هذه من المعلومات عن طلب العلم ومن معلومات من أولهم والمعوقات عن العمل الصالح ومن الوقوع في الأعراض والتحريش بين المسلمين. Donc en réalité ici, ces gens-là, donc ils vont en réalité perdre leur temps. Ils vont déranger les gens dans leurs idées, dans les pensées. Hein? Ils vont en réalité aussi, donc ces mu'awwiqat, c'est ce qui t'empêche. Reste pas. C'est ce qui t'empêche en réalité d'apprendre la religion. Hafal. Fil Medina. Shah Kananin. Darasa fil Medina. Wa kana khalf falah. Le harb. Min fal oubla. Illa intiha. Mouda fil dirasa. Et min awal dirasa. Il akhir dirasa. Je dis bien la fin que lorsqu'il est parti à Medina. Darasa falah. Lui comme ça. Elle comme ça. Abdallah Koukhari comme ça. Ali Fijri comme ça. Abdallah Zakha comme ça. Il arrêtait plus. في آخر الوقت لما عرف الحق على أيدي الشيخ الربيع حفظه الله عز وجل كان بدأ يبكي لماذا؟ خلاص أعطاه الجواز وذهب بخروج النهائي ولم يتعلم الجواز يرجع إلى بلده البروبي ولا يتعلم شيء فقل قليل فقط من دين الله عز وجل فقال خطه في كلام فلان وعلان وفلان وعلان فهذا ليس عقلا والله لذلك هؤلاء من خسروا الدنيا والآخرة يخسرون إلا إذا تابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إلى الحق. Donc ce jeune-là, je dis bien la fin, mais ce qu'il est tombé dans les mauvaises périodes, il n'a fait que critiquer les meilleurs des savants, les meilleurs des chouïrs, en suivant quelqu'un. il est arrivé, il a commencé comme ça, il a terminé, il a commencé comme ça. Lorsqu'on lui donne son passeport, rentre chez toi, tu as terminé tes études. Il n'a pas appris grand chose. Il a eu peur. Il est devant les mains de ulama, il ne profite pas. Il fait n'importe quoi, il n'apprend rien, il rentre chez lui, pratiquement comme s'il était en vérité lui. Si ce n'est qu'il a fait un petit peu l'arabe, parce qu'automatiquement, au milieu des arabes, après l'arabe, ça va tout seul. C'est tout. Donc c'est pas comme ça qu'il faut ressembler, c'est pas à ces gens-là qu'il faut ressembler. Mais plutôt aux gens qui sont restés à côté de ses savants, et qui sont restés en vérité fermes devant ses savants, tout simplement. Et lorsque, donc Cheikh Rabi Hamdallah, il a montré les erreurs de Salah, à ce moment-là, la personne a pleuré. T'attends ce moment-là. Regardez, lui, alhamdulillah, pour moi, il a fait ça au bon, on va dire. Mais voyez un petit peu la khasara, les meilleures années de sa vie, comment elles sont passées. Le khawd, c'est le thème, le bâtel. Il n'en vérifie pas du son temps dans les paroles qui sont vaines, qui sont en vérité vaines. Ça, c'est encore énormément de questions. Hein. Donc, on ne pourra jamais terminer le livre après le hal, mais, alhamdulillah, on arrête là, barakallahu fikoum, subhanallahu bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك